Hier j'étais au concert de grunge. Il y avait un gamin et il a foutu le feu quoi. Sur la gauche, mais toi au milieu. Pourquoi tu te mets sur la gauche?